sur les évolutions en cours. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a le même souci que l'accès soit le plus large possible et le moins tôt possible aux publications scientifiques par les chercheurs francophones. Voilà, c'est notre position, c'est notre but. Donc, tout ce qui va dans ce sens-là est bon, et que tout le monde l'a dit, il y a du bon sens. Ces publications, pour être quelle qu'elle soit de qualité et accessible le plus largement possible, ça a un coût. La question, c'est de savoir qui le paye. Donc, qu'on fasse du gold, du green, du platinum, du ci, du ça, c'est presque secondaire. Le tout, c'est d'arriver à trouver un modèle économique, effectivement, pour qu'il soit pérenne et qu'il garantisse ces objectifs-là. Là, simplement, moi, ce dont je voudrais témoigner, c'est ce qui se passe en ce moment, puisque vous savez, ça fait maintenant deux, la directive européenne sur les 6 mois, 12 mois. 6 mois STM, 12 mois SHS. C'était en 2012. C'est pas une directive, c'est une recommandation. Recommandation. A été émise. Et donc maintenant, il est question qu'une loi numérique qui soit déposée au Conseil des ministres très prochainement. On nous dit mois de juillet peut-être, bien que ça semble de plus en plus pas probable, dans lequel il y aurait cette disposition. Donc pourquoi pas? Sauf que quand on regarde un peu les conditions d'élaboration de cette disposition dans la future loi numérique, on est simplement terrifié parce que les pouvoirs publics qui promeuvent cette idée, ils n'ont tout simplement fait aucune étude d'impact, il n'y a aucune vision à long terme ou moyen terme derrière pour dire, bon, ben, si on fait ça tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire pour le développement des publications scientifiques francophones en STM, parce qu'il y en a encore, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça, par exemple, ils ne savent même pas qu'il y a encore des revues d'éditions STM francophones faites par un petit nombre d'éditeurs, ça peu nombreux, mais quand même, qui ont un rôle, comme le DP Science et d'autres, qui a pas mal de publications, ils ne les connaissent même pas. Et donc, ils sont prêts à faire des choses, ils ne voient qu'Elsevier, Springer, etc., avec qui ils négocient. Et puis, le reste de l'édition scientifique francophone, c'est hors de leur scope, complètement. Et donc, on leur dit, si vous prenez des dispositions sans réfléchir, sans études d'impact et tout ça, vous risquez de fragiliser ce qui existe déjà, qui est relativement fragile déjà, et en l'espace de peu de temps, des mécanismes comme ceux qui conduiraient, mettons, des prédateurs style réseau Academia, ResearchGate et autres, à piquer des ouvrages, des articles en accès sur les archives ouvertes pour en faire leur propre service. C'est des choses qui peuvent parfaitement arriver. Alors certes, c'est pas fatal, mais c'est des risques. Donc tout ça, il faut le préparer, le border, y réfléchir et aller calmement vers un élargissement de l'open access. Et pas comme ça demain matin, au mois de juillet, sans étude d'impact. Parce que quand on avait alerté le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche l'année dernière sur la question de l'abaissement des barrières mobiles pour les publications, les articles de revues de francophones de SHS, vous aviez dit oui, il y a peut-être un souci. On va faire une étude d'impact. Alors on dit très bien, c'est ça qu'il faut faire. Si jamais on faisait ça, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat de l'économie des revues, des éditeurs, de la plateforme OCR, etc. Sauf que l'étude qui a été faite n'a pas, qui prouve ça normalement, on l'a eu, elle n'est pas encore publique, mais elle va être bientôt, et elle ne répond pas à la question. Ils n'ont pas fait l'étude économique, ils ont fait l'étude simplement de dire est-ce que les articles qui passeraient, si une barrière mobile simplement de un an, d'un mois, 12 mois, est-ce que les articles qui seraient ensuite derrière, en accès gratuit, on les verrait plus? La réponse est oui. Alors ça, j'avoue que un an pour arriver à ce résultat-là et faire des calculs, 100 pages de calculs économétriques, c'est quand même quelque chose. Donc, nous, on a travaillé, on essaie de les alerter. Tout ce qu'on est, le message qu'on essaie de faire passer, c'est de dire on est ouvert absolument à tout. Il n'y a pas de contradiction. Carole Mercier a bien dit, je pense, elle a raison de souligner le fait qu'un modèle comme celui de Cannes, ce n'est pas celui de Science Direct aussi. Parce que Science Direct, quand les papiers passent derrière la barrière mobile, les chercheurs peuvent les mettre sur les répertoires de sources ouvertes, si l'NIH et compagnie. Mais sur Science Direct, ils ne sont pas accessibles au rang. Alors que sur Cannes.info, ils sont accessibles via n'importe quel moteur de recherche. Et on a la majorité de nos articles qui sont là depuis 2001, qui sont en accès gratuit pour Wild dans tous les moteurs, qui sont sur le web. Bon, c'est pas du tout le même modèle que celui des autres. Mais ça, ils savent même pas. Ils ne savent pas. Alors on leur dit, ah bon, ah ben ça, alors, comme c'est étonnant. Et voilà, c'est tout. Donc ce qui fait très peur, c'est pour ça que moi je pense que s'il y a quelque chose à faire, en tout cas nous on s'y emploie de notre côté très activement, et je pense que le secrétaire de rédaction de revue pourrait œuvrer dans ce sens-là aussi à bref échéance, c'est de dire simplement aux pouvoirs publics concernés, donc là les pouvoirs publics concernés, il faut dire, il faut savoir lesquels c'est. J'avoue qu'en plus c'est assez difficile à discerner, parce que le CNRS nous dit, oui c'est intéressant, mais c'est pas nous qui décidons sur les barrières mobiles, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Là il n'y a pas de ministre. Alors on va voir le cabinet de Mme Vallaud-Belkacem qui dit oui peut-être, mais il n'a pas que ça à faire, il est complètement noyé le problème qui s'occupe de ça. Donc il y a 3 personnes qui s'occupent de ça, au milieu de 12 000 autres choses, c'est tout. À la culture, ils regardent de loin, mais ils ne connaissent pas. Au cabinet de M. Madame le maire, ministre du numérique, ils écoutent, mais alors là, c'est des gens tout à fait charmants, mais qui ne connaissent absolument rien à l'édition scientifique, mais rien de rien. Quand on leur parle de produits, tout ça, c'est comme si on leur parlait. Est-ce que vous avez des start-up? Enfin, vous voyez, deux gens, quoi. C'est... Ouais, nous. Et puis, chez M. Macron, alors là, c'est pire. Et voilà, à Matignon, je ne dis pas, ils découvrent tout, ils connaissent rien. À l'Élysée, c'est pareil. Donc, on est très embêtés. Donc, il y a peut-être des prises de position publique pour dire, bon, enfin, les gars, on pourrait essayer de réfléchir calmement, de commander quelques études qui coûteraient vraiment très peu, mais qui permettraient d'écouter tous les acteurs. Ceux qui sont ici, ils savent de quoi ils parlent, ils connaissent les animateurs de revues. Vous avez dit des choses très, très sensées, précises sur les économies de vos revues respectives. L'expérience de Cléo, c'est une expérience très solide. L'expérience de Cairn aussi. Bon, bref, le CNRS connaît aussi des choses. La direction de l'information scientifique connaît aussi pas mal de choses. Elle a fait des études récemment très intéressantes et très utiles sur le coût du gold, etc. Mais tout ça, c'est pas fédéré. Et tout ça, il n'y a pas de vision politique qui permettrait de mobiliser tous ces savoirs, de les organiser pour dire qu'on veut aller vers plus d'archives ouvertes, plus de ceci, plus de cela, dans des conditions pérennes qui permettent d'assurer le maintien de revues scientifiques françaises et anthropologiques. Voilà. Donc là, on est dans un problème maintenant qui n'est plus même technique ni même économique, mais purement politique. C'est-à-dire qu'on est en face d'un ensemble de pouvoirs publics, un peu comme un canard sans tête, et à qui il faudrait dire, entendez les gars. Alors on sait que les politiques, tout en haut, les ministres, si on crie un peu en disant, attendez, vous voulez créer l'édition scientifique francophone française, celle qui reste, vous voulez faire le jeu des Elsevier, de Springer, des Google et compagnie, alors oui, faites ça. Sans accompagnement, sans réflexion, sans lien. Donc voilà, on en est là. Merci.